Qui marche pas,

si je savais que caché sous l'arc-en-ciel, les diamants sont vivants. Yeah. J'arrive là où l'on ne m'attendait pas. Picard touche le soleil et me voilà. Je donne le temps que je suis. Et si je tombe encore, tant pis. Je donne le temps que je suis. Je donne le meilleur de ma vie. Une question à survivre. En croyant en mes ancêtres, à ma mémoire, l'avenir surprend. Yeah. En renonçant jamais à ma propre histoire, la victoire en chantant. Yeah. Une fois enterrés les morts, les vivants ont une lueur qui parfois me surprend. Je t'aime le temps que je suis. Et si je tombe encore, tant pis. Je donne le temps que je suis. Je donne le meilleur de ma vie. Une question de survie. Donne, dont je suis, um exclusivo do 100% francês e o regresso em 1999 para o primeiro álbum de Nathalie Cardone, filha de um pai siciliano e de mãe espanhola, mas que veio acabar por nascer em França. E agora, o Vont les histoires, um dos temas do ainda último trabalho de Thierry Amiel, com o mesmo nome. Où vont les histoires, en supposant qu'elles aillent quelque part. Où ça? Les histoires, s'il n'y a plus personne pour y croire. Dis-moi, qui se souviendrait si tu m'oubliais? Je n'aurais pas le temps de faire court mon amour, je n'aurais. Où vont les sont leurs histoires, sans poésie, sans beauté, sans un soir d'espoir. Tous ces mois de mai, moi je t'aimais. Je n'aurai pas le temps de faire court mon amour, court mon amour. Je n'aurai pas le temps de faire court, court mon amour, court après la. Histoire, en supposant qu'elle s'en aille avec toi. Où ça? Où va notre histoire? Il était une fois, il était déjà trop tard. Ton cœur n'a pas plu que par habitude. Je n'aurais pas le temps de faire court mon amour. Après l'amour, après la vie, après notre amour, mon amour. 100% fr.blogspot.com 100% francês com Ricardo de Matos. Je garde les pieds sur terre, je garde la tête froide, je garde un revolver jusque dans ma baignoire. Je garde un œil ouvert quand je suis dans mon lit, plus une veste militaire. Sous mon pyjama gris, je garde le buste droit, la tête sur les épaules. Je garde un regard froid sur l'écran de contrôle. Je garde un cœur de pierre du lundi au dimanche et pour tout l'univers, rien que de la méfiance. Gardien de Zosepena, c'est pas souvent que les pingouins se battent, mais gardien de nuit c'est plus compliqué. La nuit finit toujours par s'échapper. Je garde les pieds sur terre, je garde la tête froide, je garde un revolver jusque dans ma baignoire. Je garde un œil ouvert quand je suis dans mon lit, plus une veste militaire. Sous mon pyjama gris, je garde le buste droit, la tête sur les épaules. Je garde un regard froid sur l'écran de contrôle. Je garde un cœur de pierre du lundi au dimanche et pour tout l'univers, rien que de la méfiance. Gardien de but, c'est trop fastoche. Suffit d'enlever les mains de ses poches. Mais gardien de nuit, c'est beaucoup plus compliqué. Le jour finit toujours par arriver. Je garde les pieds sur terre, je garde la tête froide, je garde un revolver jusque dans ma baignoire. Je garde un œil ouvert quand je suis dans mon lit, plus une veste militaire. Sous mon pyjama gris, je garde le buste droit, la tête sur les épaules. Je garde un regard froid sur l'écran de contrôle. Je garde un cœur de pierre du lundi au dimanche et pour tout l'univers, rien que de la méfiance. Je garde les pieds sur terre, je garde la tête froide, je garde un revolver jusque dans ma baignoire. Je garde un œil ouvert quand je suis dans mon lit, plus une veste militaire. Sous mon pyjama gris, je garde le buste droit, la tête sur les épaules. Je garde un regard froid sur l'écran de contrôle. Je garde un cœur de pierre du lundi au dimanche et pour tout l'univers, rien que de la méfiance. Gardien de nuit, recuperamos no 100% francês o projeto Le Sol d'Arrose, aqui com a voz de Francis Cabrel, com o objetivo de arrancar sorrisos a crianças com menos sorte no seu percurso de vida. E o primeiro álbum de Zazie saiu em 1992, atualmente já vai no 7º, e sem nunca ter tido picos descendentes na sua carreira. O tema de apresentação do novo trabalho, Zazie, é este Avant l'amour. tema raro a passar no 100% francês foi o ensaio da ex-líder dos Bleus Rotoir, a solo, praticamente 10 anos depois de terminada a primeira formação, Dans les Étoiles, de 1998, por Clémence L'Homme. E voltamos a este ano para avançar com mais uma estreia, e é com o representante da França em 1993 do Festival Eurovisão da Canção, Patrick Fiori, de regresso este ano com Peut-être que Peut-être. J'ai changé de ville, mille fois changé de nom. Cent fois j'ai failli finir dans les plumes et le goudron. Je guette les signes, amant transi plus que baron. Ma vie c'est le jeu, les vices, les cartes et les faux jetons. Si je croise un prêtre, je mise à fond sur les rouges. Une mouche à la fenêtre, et c'est pas mon jour. Et peut-être, que peut-être, ou peut-être pas, Madame Fortune enfin me prendra dans ses bras. Et peut-être, oui peut-être que cette fois, je ferai la une en tirant au sort ou les rois. Et qui verra vivre 10 fois. Ma vie c'est la chance, mes châteaux, des casinos. C'est le diable que je tente au poker, un peu les chevaux. Chaque jour est neuf, je ne vis que des débuts. Des martingales en coup de bluff, un peu d'embrouille au menu. Cette fille avance, je mise tout chiffre impair. Si sa chaise se balance, j'attends la rivière. Et peut-être, que peut-être ou peut-être pas, Madame Fortune enfin me prendra dans ses bras. Et peut-être, oui peut-être que cette fois, pour les rois. Et qui verra vivra, alléluia. Oh, et peut-être, que peut-être au matin là-bas, cette fille brune fera semblant de me croire. Et peut-être, que peut-être elle me suivra au clair de la lune, ami Pierrot. J'en ai pas Paris. Madame Fortune, oh prends-moi dans tes bras. Paris perdu, je suis qu'un paria. J'aimerais faire souvent, ce serait un château où je serais dedans, inhabité, n'y rentrerait que le vent. Mais moi j'aurais la clé pour y passer mon temps. Dans une pièce ronde au miroir sans reflet, se trouverait un lit dessiné à la craie. Descendu d'un tableau, en lui je glisserais. Ce serait ça aussi pour moi, trouver la paix. En silence, des tentures de velours froissées me feraient divaguer sans jamais m'inquiéter. Se répandrait sur mon corps un parfum léger. Il ne manquerait rien à cet instant arrêté. Au-dessus de ma tête un étrange paysage, coloré de lumière dessinant ton visage. Je comprendrais alors le sens du présage qui me donnerait envie de quitter ce voyage. En silence, du rêve, je laisserai tout là-bas. Je ferai attention, je ne te réveillerai pas. Je deviendrai ton voile, deviendrai le train. En silence, passerait dedans. Inhabité, n'y rentrerait que le vent. Une gorge aurait la clé pour y passer mon temps. Du rêve, je laisserai tout là-bas. Je ferai attention, je ne te réveillerai pas. Je deviendrai ton voile, deviendrai le train en silence. Lili Margaux, nome da cena alternativa francesa, aqui com o tema de 1996, que conheceu algum sucesso nesse ano, este En Silence. Hoje temos uma aniversariante para dar os parabéns em final de programa, mas para já com a última de M, este Est-ce que c'est ça? Até já. La pudeur des sentiments, ça ne m'excite pas. Y'a comme un paravent entre elle et moi. Comme un parallèle entre moi et elle. Après quoi on court? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Oh. Dis, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Anti-quantique des quantités, Occident oxydé. Essoufflé, j'avoue j'ai envie d'une arrivée sublime avant de m'écrouler dans tes ruines. Et ma volonté, comme deux roues soumises à la même impulsion, se portent. porté ailleurs, dirigé par l'amour qui m'a emmené le soleil et les autres étoiles. Francês. Parabéns a... Jim faz hoje 25 anos. Jim, t'es parti. 2007. Sim, já sei. 2010. Je sais que je ne suis pas toujours facile. Je sais que je te rends la vie parfois difficile. Je sais que c'est dur d'être toi. Mais je sais qu'avant c'était pas comme ça. La tête, je sais que je pourrais des fois t'épargner peut-être. Je sais que tu m'aimes comme ça. Mais je sais que je te mets en paix. Serais-tu en train de perdre nord, hors cri de tout ton corps? cet homme que personne n'atteint. Ce cœur de pierre, ces bras de fer qui me soulèvent d'une main. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a, baby? Est-ce que t'es ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Jim, la première fois. 2008. Ton regard sur moi, tellement doux et chaud. Te sentir contre moi, me fait perdre les mots. Savourer l'instant, apprécier le moment. Penser au présent, te caresser tendrement. Partout, laissons-moi la folie, sa latitude, ça me plaît bien. Oser comme personne n'ose, abandonner la prose. Ne dis rien en silence, au fond de la dernière danse. Tellement beau le souvenir de nos premiers pas. Tellement chaud ton sourire quand tu me revois. Te dessiner chaque jour comme si c'était sur moi me défile tant d'images. Mon carnet sur toi n'a bientôt plus de pages. Trop de phrases, trop de mots. Certains en rouge en mémo. Des dates en vrac, des soirs qui marquent. On s'est donné en cadeau. L'envie de toi, l'envie de nous, l'envie de partager ces moments seuls ou tard le soir. À nous je rêvais aux moindres instants. La douceur des moments, le désir intense, les mémoires. Comme ça, non, la première fois comme ça.